don't want peace. I want problems always. C'est le retour du méchant, le mauvais, le gênant. Après mané sur le trône, le meilleur artiste, francophone, le meilleur éléphant. Je vous ramène une nouvelle science, une nouvelle manière de voir la vie d'artiste. J'en fais un métier, je ne rappe pas pour satisfaire les petits puristes. Des parasites ou du prends des risques pour être petit pour devenir king. Quand ils les voient, ils se gonflent, le budget de leur album est dans mon parking. Et régner sur toute l'Afrique, quel chemin, le chemin qu'on prend demande l'alchimie. Chanel, Boucherie, c'est chou, c'est mimi. J'aime pas les jeans, va porter le mini. C'est le même shogun, les amis, oui, les ennuis, je les crée, je sais. Ils banalisent mon succès, ça les rassure dans leur putain. Ah moi j'avais niqué, tu deviendras. Ah je pense que j'ai beaucoup d'argent. Ah s'ils savaient ce que je leur réserve. Ah ça n'est jamais faire de tapage. Ah ouais ici ça joue plus au dîner. Je dors dans ce 50 millions, je roule sur 50 millions. Je regarde ma Rolex de 15 millions pour savoir quelle heure il est. Hey, pardon. Ah Shogun est Bayou. Tu connais Shogun mais tu connais pas Dylan. Ah Shogun est Bayou. Le chef des guerres c'est Mojavel, c'est lui même. Ah Shogun est Bayou. Le premier subit toutes sortes de critiques, j'en porte pardon. Ah Shogun est Bayou. Les carrières les baissent et je les prends au coup du marteau. Ah Shogun est Bayou. Shogun est Bayou. Shogun est Bayou. Tous les magas, vous parlez les îles. Shogun est Bayou. Shogun est Bayou. Shogun, Shogun est Bayou. Tous les magas, vous parlez les îles. Dans mon cœur y'a la conspiration. Et dans mes veines y'a le 13. Tout le monde peut pas part dans le bureau, donc on est devenu chauffeur de baka. La vie est chère donc on part à mes 4 fois à plus. Je me rappelle la galère dans ma bras à bus. Je suis le game changer. J'ouvre les portes, je change les normes. Le monde me suit à la lettre. J'ai un leader. Ce jeu est fou, tu si je change d'humeur. Je me demande c'est quoi il s'appelle rapper. Je sais que ces jaloux veulent m'écarter. Tu crois pas en toi? Regarde comment j'ai fait, c'est pas sorcier. Dans mon cœur y'a la conspiration. Dans mes veines y'a les frères du 13. Le Kazama change de gras. 2025 Inch'Allah, on remplit le stade. On remplit ta grande. Je remercierai toujours God pour tout ce qu'il me donne. Pour l'instant je me plains pas, il a tenu ses promesses. Et chaque jour les gens parlent, se mêlent de ma vie. Moi tout ce que je veux faire c'est montrer mon talent. Yeah, yeah, le succès. Yeah, yeah, le succès. Yeah, yeah, le succès. Yeah, yeah, le succès.